Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire de Pierre Goldman, un nom qui a profondément marqué l'actualité des années 70. Né en 1944, fils de résistants juifs polonais, Pierre Goldman est un enfant de la guerre et toute sa vie, il cherchera un combat à la hauteur de celui de ses parents. Militant d'extrême gauche, guérillero, braqueur, intellectuel, écrivain, tolard, il aura mené plusieurs vies, toutes marquées par l'affrontement et la violence. En 1970, il est accusé du meurtre d'une pharmacienne et d'une préparatrice lors d'un braquage qui tourne mal, boulevard Richard Lenoir à Paris. 4 ans plus tard, Pierre Goldman, qui clame son innocence, est condamné à la prison à perpétuité. Mais en 1975, la Cour de cassation casse le verdict de la Cour d'assises. Et lors du nouveau procès, soutenu par de nombreux artistes, hommes politiques et intellectuels, il est acquitté des meurtres, mais condamné pour 3 autres braquages. Après 6 ans passés en prison, Pierre Goldman commence une nouvelle vie et se consacre notamment à l'une de ses grandes passions, la musique latino-américaine. Et c'est au cœur de cette nouvelle vie qu'en 1979, un commando de 3 hommes armés l'abat en pleine rue. Alors, qui a tué Pierre Goldman et pourquoi ? Notre invité aujourd'hui, Michael Prasant, auteur de la biographie Pierre Goldman, frère de l'ombre, publié au Seuil et réalisateur du film documentaire L'assassinat de Pierre Goldman, produit par Cuif Productions. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeudi 20 septembre 1979, 13e arrondissement de Paris. Il est bientôt midi. 3 jeunes hommes profitent de la douceur de cette fin d'été. Assis sur un muret et un banc de la place l'abbé Georges Enoch, ils attendent patiemment leur cible. Et la cible, c'est Pierre Goldman. Ce jour-là, il se réveille difficilement d'une soirée bien arrosée dans le QG de ses nuits parisiennes, la chapelle des Lombards. Plusieurs fois par semaine, il se rend dans ce temple de la salsa pour enchaîner les verres de rhum et se déchaîner sur scène dans une démonstration en diable de tumba dont il ressort en sueur. Vers midi, après une courte nuit, le fêtard sort enfin de chez lui. Il doit rendre un service à un ami panaméen qui l'héberge. Puis il compte bien aller voir sa femme à la maternité. Elle est sur le point d'accoucher. Dans la rue, la vigilance de Pierre Goldman est faible. Oh, la faute à une petite gueule de bois. Pourtant, depuis plusieurs semaines, il se sait suivi d'ailleurs. Il a enlevé son nom sur sa boîte aux lettres et a même tenté de se procurer un pistolet auprès d'un ami. Au moment où Pierre arrive sur la place de l'abbé Georges Enoch, l'un des 3 hommes qui l'attendent adresse un signal à ses 2 complices assis sur le muret. C'est lui. Ouais, il l'a reconnu. C'est bien Pierre Goldman, 1m72, 35 ans, cheveux bruns, cheveux courts. Alors, les 2 tueurs s'avancent vers lui. L'un d'eux sort une arme de gros calibre et vide son chargeur. 8 balles. Une manque sa cible et fracasse la façade d'une banque. Pierre Goldman, lui, a le corps déjà criblé. Et c'est à ce moment-là que le 3e homme arrive de l'autre côté et l'achève de 2 balles. Le commando s'enfuit. Il est midi 25. La mort de Pierre Goldman fait la une du journal télévisé. Bonsoir. Le racisme, le fascisme, le terrorisme qui règle ses comptes, mais quel compte ? C'est à première vue tout cela qu'il y a dans l'assassinat de Pierre Goldman, ce juif polonais né en France, comme il s'est intitulé lui-même dans le titre de l'un de ses livres, ce militant gauchiste qui alla à l'extrémité de son attitude intellectuelle en commettant des hold-up qu'il reconnut, mais surtout pour le grand public, ce jeune homme condamné dans un premier procès pour l'assassinat d'une pharmacienne et de sa préparatrice, boulevard Richard Lenoir à Paris, en 69, et acquitté ensuite, après que ce jugement ait été cassé pour vice de forme, par la cour d'assises d'Amiens en mai 76. La cour d'assises l'innocenta pour ce double meurtre, mais le condamna néanmoins à 12 ans de réclusion pour 3 autres agressions à main armée qu'il avait reconnues. Quelques heures après le drame, l'agence France Presse reçoit un communiqué qui revendique l'assassinat. Il est signé d'un mystérieux groupuscule baptisé « Honneur de la police ». Aujourd'hui encore, les assassins de Pierre Goldman n'ont jamais été identifiés. Plusieurs pistes ont été évoquées. Celle d'une vengeance policière, évidemment, vu l'intitulé de la revendication. Et puis, Pierre Goldman avait été accusé d'avoir tiré sur un policier lors d'un hold-up. Il y a également la piste d'un crime fasciste impliquant des militants d'extrême droite. Mais une autre hypothèse est évoquée. Après sa sortie de prison, Pierre Goldman aurait voulu livrer des armes aux terroristes basques de l'ETA. L'État espagnol aurait alors demandé au service secret français d'éliminer. Une chose est certaine, Goldman avait beaucoup d'ennemis. Il a souvent répété vouloir mourir avant 30 ans. Il a été tué à l'âge de 35 ans. Une semaine plus tard, son fils est né au cœur d'un drame, ce qui fut aussi le cas de son père. Né le 22 juin 1944, Pierre Goldman est le fils de deux immigrés juifs polonais résistants et communistes qui ont activement participé à la lutte armée contre les nazis et à la libération de la France. Dans son livre « Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France », il écrit « Je ne sais comment elle a rencontré mon père. Je ne sais si elle l'a aimé. Je ne sais si mon père l'a aimé. J'ignore si mon père m'a voulu. Je sais que ma mère me voulait absolument. Je suis né. Je suis né dans l'ombre. Je suis né dans l'ombre et mon désir fut longtemps qu'on ne m'arrache pas à l'ombre où je suis. » L'ombre, c'est aussi celle de ses parents héroïques. Il l'admirera toute sa vie, jusqu'à vouloir égaler leur fait d'armes. Après la guerre, le couple se sépare. Le jeune garçon part vivre avec sa mère. En 1947, elle obtient un poste en Pologne et s'apprête à s'y installer avec son fils. Mais le soir du départ, son père organise l'enlèvement de Pierre, car il refuse que son enfant parte vivre dans un pays antisémite et stalinien, comme il dit. Sa mère, qui n'a pu apparaître sur l'acte de naissance pendant la guerre, n'a aucune preuve légale de filiation. C'est alors que le cœur déchiré, elle immigre en Pologne sans son fils. En 1949, Monsieur Goldman, père, épouse une juive allemande avec qui il aura trois enfants. Evelyne, Robert et Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques Goldman, le chanteur, qui est donc le demi-frère de Pierre. Placé en internat à l'adolescence, Pierre Goldman est un élève rebelle. En 1960, il est exclu de son collège après avoir été l'un des leaders d'une révolte contre un surveillant. Indépendant et pris de liberté, l'adolescent demande à son père de l'émanciper pour qu'il puisse rester évreux et passer son brevet en candidat libre. À cette époque, il fréquente les bars de la ville emplis de soldats américains, de gangsters et de blousons noirs. Son bac en poche, il rentre à Paris. C'est lors d'un bal qu'il découvre l'USE, l'Union des étudiants communistes. Très vite, Pierre Goldman va s'impliquer dans l'organisation qui regroupe des personnalités telles que Bernard Kouchner, Alain Krivine, Serge Julie, Régis Debray et Roland Castro. Goldman ne consacre que peu de temps à ses études. Il s'est d'ailleurs inscrit au cours par correspondance. Ouais, les amphithéâtres l'ennuient profondément. D'ailleurs, dans son livre, il écrit « Je ne parviens pas à me cultiver, à lire, à apprendre. Tel n'est d'ailleurs pas mon objet. Je n'habite nulle part, allant de chambre en chambre, toujours hébergé. Je ne travaille pas. On me donne de l'argent que je demande sous forme d'emprunt et que je ne rembourse jamais. Je prends un plaisir amer à installer cette destruction entre moi et les autres, à saccager mon image. Ainsi, dans cette vie, je me préserve de l'estime comme d'une chaleur visqueuse. Je crois que j'ai décidé de regarder passer le temps les yeux grands ouverts, d'attendre simplement qu'il passe, sans que rien vienne troubler le regard que sur ce passage blessant je porte. J'ai décidé aussi, et c'est un pacte avec deux amis, mais un pacte silencieux, de rater ma vie. Le désir de la réussir m'inspire un profond dégoût. Je veux lutter pour que ma vie n'ait aucun sens, sinon celui d'avoir à trépasser. » Se mettre en danger, c'est bien ce qui l'intéresse, avant toute chose. Très vite, il prend la direction du service d'ordre de l'Union des étudiants communistes. Il s'intéresse aux arts martiaux et prend des cours de karaté avec un dissident hongrois unijambiste réfugié à Paris. Et Pierre Goldman met en application ses leçons. Il va à la baston contre les mecs d'Occident, groupuscule d'extrême droite. Un jour d'affrontement, l'un des fascistes en herbe crie « Les cocos à Moscou, les ratons au four !» Profondément meurtri par l'utilisation du mot « four » qui souille la mémoire des siens, Goldman s'avance vers le jeune homme et lui fracasse la tête avec un long bâton en bois. Selon une autre version de cette anecdote, il se serait ensuite effondré en larmes auprès de la victime. Mais selon un autre témoin, le bâton était en réalité une barre de fer et Goldman n'aurait pas versé une seule larme. Une chose est sûre, le jeune homme ne craint ni le combat, ni la violence. Ce qu'il cherche en vérité, et au-delà du combat politique, c'est l'aventure. Son objectif, rallier l'Amérique du Sud ou les Caraïbes pour participer à un mouvement révolutionnaire. En 66, il quitte la France sans argent pour rejoindre la Belgique. L'idée de s'embarquer sur un cargo et filer à l'anglaise une fois arrivé de l'autre côté de l'Atlantique. À Anvers, il parvient à s'engager sur un cargo norvégien en partance pour les États-Unis. Dans son récit autobiographique, Goldman se définit comme suit. « Je pense que je suis juif, bachelier, marxiste, amateur de rumba en quête d'une guérilla lointaine et que je travaille dans la cuisine d'un cargo norvégien. Point. » Arrivé aux États-Unis, il profite d'une permission pour s'échapper et tenter de rejoindre le Mexique. Arrêté à la frontière, il est remis aux autorités américaines qui, après l'avoir envoyé quelques jours derrière les barreaux, le remettent dans son cargo, direction l'Europe. Le rêveur, un peu mégalo, devra encore attendre pour réaliser ses projets guérilla. Retour à Paris. Le tempérament courageux et téméraire de Pierre Goldman plaît bien à ses camarades militants d'extrême gauche. Ouh, bon profil celui-là, il n'a peur de rien. Dont acte. Lors d'un festival organisé à Nanterre, un étudiant dérobe la recette de la soirée, un concert où se produisaient des musiciens cubains. Pierre Goldman raconte la suite dans son livre. Je fus chargé par les organisateurs de récupérer cet argent. Je me munis d'un pistolet. Accompagné d'un camarade, je conduisis le voleur dans la chambre qu'il occupait. Je sortis mon arme et exigeai qu'il nous restituât la somme dérobée. Ce qu'il fit. Ainsi, le premier argent qu'armé d'un pistolet je pris fut de l'argent qu'un autre avait volé et que, pour le compte d'une organisation honnête, je récupérais. C'est à cette époque que Pierre Goldman, qui a de nombreux amis guadeloupéens, se met à fréquenter les bars antillais de Paris. Il aime ces ambiances où il côtoie le lumpen et la pègre, comme il dit. Inquiet pour l'avenir de Pierre, son père le presse d'effectuer son service militaire. Affecté près de Nancy, le jeune homme refuse au dernier moment de s'y rendre et s'envole pour Prague. C'est un insoumis, un déserteur. De Prague, il rejoint la Pologne, où il retrouve sa mère, qu'il n'a pas revue depuis 5 ans. Alors il lui confie son projet, rejoindre les guérillas sud-américaines. Il décrit sa réaction dans son livre. Elle caressa mes cheveux en disant que son fils était fou et promit qu'elle allait tout faire pour que je puisse réaliser ce rêve qui me venait d'elle. Grâce à un cargo est-allemand, Pierre Goldman parvient à rallier Cuba. Arrivé sur l'île, il est interrogé par les autorités cubaines. Il leur déclare « Je suis venu ici faire la révolution. J'ai 2 passeports, un vrai et un faux. Parfait, mettez-moi ça en prison. Une fois de plus. » Mais grâce à un ami présent à Cuba, il est libéré le soir même. Alors, Pierre Goldman s'enivre de rhum et de salsa. Pendant son séjour, Che Guevara est capturé en Bolivie et exécuté. Le révolutionnaire en herbe assiste avec émotion à la cérémonie d'hommage sur la place de la Révolution à Havane et il lève le poing au ciel pour la première fois de sa vie. Après plusieurs semaines sur l'île, Pierre Goldman rencontre enfin des guerrieros prêts à l'intégrer dans leur groupe. Ce sont des Vénézuéliens. Ils le recontacteront, oui, mais d'abord, il faut qu'il rentre en France. Donc, nouveau retour à Paris. Devant ses amis, Pierre Goldman raconte son voyage, se vante de ses conquêtes féminines, fait des blagues salaces, boit beaucoup. Machiste et homophobe, il est de plus en plus déconnecté des préoccupations de ses amis militants d'extrême-gauche. Et quand les événements de mai surviennent, Pierre Goldman les considère comme une vaste comédie. Jean-Michel Karadec et Charlie Bauer, 2 amis de Pierre, reviennent sur cette période dans le documentaire « Comment j'ai tué Pierre Goldman » réalisé par Michel Dexprax en 2010. Il trouvait que c'était assez folklorique, en fait. Et lui, qui avait été guérilleros, il méprisait un petit peu ce côté amateurisme de mai 68. Pierre, lui, il était... Et là, les mômes, avec vos cailloux, là, au gué du sac et compagnie, vous faites chier, c'est autre chose. C'est des armes. Voilà le discours qu'il tenait, Pierre. Il avait un discours radical. Puis il était pour armer les gens, faire des commandos. Prendre les armes, c'est l'obsession de Pierre Goldman. Pourtant, à cette époque, il n'a pas encore participé à une seule guérilla. D'ailleurs, les Vénézuéliens ne l'ont pas recontacté. Alors, désespéré, il passe des nuits à errer dans la rue, tristement lucide. Il n'a ni diplôme, ni attache, ni argent, ni boulot. Il s'est même éloigné du monde militant. Quelle est loin la figure héroïque qu'il souhaitait devenir. Alors, pour oublier, il se noie dans l'alcool et pense même au suicide. Jusqu'au jour où les guerrieros rappellent le jeune homme. Alors, c'est un nouvel espoir pour Pierre Goldman. Il raconte dans son livre. Je pensais en quittant la France qu'au Venezuela, je connaîtrais des épreuves majeures qui me changeraient. Changer ou mourir, telle était aussi mon obsession. Parvenir à ne plus être ce que j'étais. M'arracher à cette perpétuelle reproduction marécageuse où je me reconnaissais avec frayeur et révulsion. Je pensais également qu'il était important que je périsse avant l'âge de 30 ans et qu'il fallait que je meure purifié des scories honteuses que je charriais. Arrivé au Venezuela, la révolution se traduit avant tout par de longues marches dans les montagnes. Constamment à la traîne, Pierre Goldman ne cesse de se plaindre des réveils matinaux, des conditions de vie spartiates. Il est fatigué, il a faim. Alors il vole en secret les réserves de nourriture qui sont rationnées. Et puis il ne supporte pas les piqûres de moustiques. Le révolutionnaire en herbe est frustré. Son groupe, de surcroît, ne participe à aucun combat. Il envisage même de tout abandonner avant d'être raisonné par les autres guerrieros. Il ne retrouve le moral que lors d'une excursion dans les faubourgs de Puerto La Cruz, là-bas. Pierre Goldman retrouve l'alcool et les prostituées, il apprécie les deux. Et surtout, son désir de grandeur et de bravoure se trouve assouvi par le projet qui naît au sein du groupe de guerrieros, le braquage de la Royal Bank of Canada. Préparé minutieusement, l'opération est un succès. Selon la presse de l'époque, c'est même le hold-up le plus lucratif de l'année 69 dans le monde entier. Mais Goldman, jugé peu expérimenté par les guerrieros, s'est cantonné à un rôle de guetteur. Moralité, de retour en France, il n'a pas révolutionné le Venezuela. Il a même perdu une bonne partie de ses idéaux politiques, mais il rentre avec une centaine de milliers de francs dans les poches. C'est déjà ça. Sauf que cet argent lui brûle les doigts. Pierre Goldman offre des cadeaux luxueux à ses amis guadeloupéens. Et puis chaque nuit, il claque son pognon en boîte de nuit, ses rhum, champagne pour boire à gogo. À ce rythme effréné, il se retrouve très vite les poches vides. Et il est toujours recherché pour insoumission, s'étant soustrait au service militaire. À ses camarades d'extrême-gauche, il propose le développement d'une lutte armée. Ces derniers se demandent si son voyage au Venezuela ne l'a pas rendu fou. Dans l'ouvrage « Pierre Goldman, le frère de l'ombre », Joël Lautric, un de ses amis guadeloupéens, raconte cette période à l'auteur Michael Prazan. Quand j'ai recommencé à le fréquenter, il n'avait plus rien, plus un sou en poche. Je crois aussi qu'il a été très déçu par ses anciens copains, tous ces intellectuels qui militaient avec lui. Il leur proposait toujours ces mêmes projets insensés de guérilla, de révolution. Mais eux, ils étaient passés à autre chose. Ils ne voulaient plus entendre parler de ces histoires, ils en avaient marre de se faire taper du fric. Parce que dès que Pierre croisait une de ses connaissances, il fallait qu'il lui emprunte 50 ou 100 francs. Évidemment, il ne rendait jamais l'argent. Quand il passait chez vous, il fallait qu'il emporte quelque chose. Un slip, des chaussettes, à manger, n'importe quoi, c'était systématique. Il n'avait plus aucune ressource, alors il tapait les gens. Et puis il s'est rendu compte qu'il pourrait aussi obtenir de l'argent armé d'un pistolet. Et c'est avec Roland, un militant révolutionnaire guadeloupéen, que Pierre va se lancer dans une série de braquages. C'est aussi à cette époque qu'il fait la connaissance de Christiane, une jeune Guadeloupéenne de 21 ans, qui deviendra la mère de son enfant. Le 4 décembre 1969, il décide d'agir seul. Dans le studio qu'il occupe, il s'habille avec élégance, se rase de près et prend son pistolet avec deux chargeurs. Il se rend alors dans une pharmacie et demande un tube de Corydrane, un stimulant constitué d'amphétamine. Et là, il remarque une forte somme d'argent dans le tiroir caisse. Il va leur ruser pour réaliser son braquage dans les meilleures conditions. Il lance au couple de pharmaciens « Je reviens, je vais chercher de l'argent chez moi ». Lorsqu'il est de retour, le rideau de fer est à moitié baissé. Pierre peut donc agir en toute discrétion. Alors, il braque son pistolet vers le couple. Et la femme lui donne l'argent. Pierre ressort, rentre chez lui et compte les billets, 2500 francs. En trois jours seulement, il claque son butin en compagnie d'amis et d'une prostituée. En ce mois de décembre, il envisage alors deux actions criminelles plus atypiques. Braquer le psychanalyste Jacques Lacan et séquestrer l'écrivain Jean Edernalier. Il sera en compagnie d'un complice dans l'immeuble du célèbre psychanalyste. Mais, au dernier moment, quand il aperçoit Lacan, impressionné par la personnalité de celui qu'il voulait détrousser, Pierre renonce. Quant au rapt de Jean Edernalier, idem, il renonce. On ne saura jamais pourquoi. Le 20 décembre 1969, un braquage fait la une. Fusillade hier soir, boulevard Richard Lenoir à Paris. Bilan, 2 morts, une pharmacienne et sa préparatrice, et 2 blessés, un client et un gardien de la paix. Il était 20h15 environ. Un homme entre dans la pharmacie du 6 boulevard Richard Lenoir. Il tire sur la pharmacienne, sur sa préparatrice et sur un client. Puis il prend la fuite. Un jeune gardien de la paix en civil essaie de le ceinturer, mais l'homme tire une nouvelle fois, le policier s'écroule. Selon le commissaire Jobard, chef de la brigade criminelle du quai des Orfèvres, au moins 8 balles de 9 mm ont été tirées. La caisse semble intacte, c'est vraisemblablement un crime crapuleux. Monsieur Grimaud, préfet de police, est allé dans la soirée à la maison de santé des gardiens de la paix pour prendre des nouvelles du policier blessé. Le forcené est toujours en fuite. Dans tout le quartier, la police a effectué des vérifications d'identité, mais, semble-t-il, sans aucun résultat jusqu'ici. Ce soir-là, au moment des faits, Pierre Goldman était dans le quartier. C'est cette tuerie du boulevard Richard Lenoir qui deviendra l'affaire Goldman. Inculpé, il ne cessera de clamer son innocence. Mais revenons aux faits. Le 21 décembre 69, le lendemain du braquage de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir, le tueur est toujours dans la nature. Quant à Pierre Goldman, il braque un magasin de haute couture près de la Madeleine à Paris. Avec 2 complices, cette fois, il s'empare de la caisse et s'enfuit avec un butin de 23 000 francs. Une nouvelle fois, Pierre dépense tout dans la fête et dans l'alcool. Le 16 janvier, nouvelle attaque. Avec un complice, il s'en prend un payeur d'allocation familiale. Oui, à l'époque, des employés de la CAF distribuaient aux allocataires des enveloppes d'argent en espèces. Pierre Goldman et son complice s'attaquent à ce payeur dans le 18e arrondissement de Paris. L'agression est violente. Armé d'un pistolet, l'employé tire à plusieurs reprises sur Pierre, qui parvient à s'enfuir avec son complice. Butin, 8 000 francs. 3 mois plus tard, le 8 avril, Pierre Goldman est plaqué violemment au sol par des individus rue de l'Odéon. Il pense d'abord à des militants fascistes. Et il comprend vite que ce sont des policiers. 2 indicateurs l'ont balancé. Selon eux, le hold-up de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir, c'est lui. Goldman aurait donc tué la pharmacienne et sa préparatrice et tiré sur l'un des clients et sur un policier. Placé en garde à vue, il subit des interrogatoires musclés, mais il clame son innocence. Oui, il a commis 3 braquages, une pharmacie, un magasin de vêtements et un payeur d'allocation familiale, mais la pharmacie du boulevard Richard Lenoir, c'est pas lui. Pierre est envoyé en détention à la prison de Fresnes. Pendant l'enquête, plusieurs témoins le reconnaîtront formellement. Mais aucune preuve matérielle ne sera trouvée. C'est donc la parole de Pierre contre celle des témoins. Le 14 décembre 1974, Pierre Goldman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il avait choisi une ligne de défense, disons, minimaliste, en proclamant « Je suis innocent, parce que je suis innocent ». Ce verdict provoque la cohue dans la salle d'audience. Très vite, un comité de soutien se forme. Pierre écrit dans son livre. Il y eut après le verdict la campagne de presse, les signatures de personnalités, tout ce nouveau tumulte qui m'arrachait à l'intimité de ma solitude, m'émouvait, mais également blessait profondément ma passion du silence et de l'ombre. Il y eut les dizaines, les centaines de lettres que je reçus. Il y eut la solidarité des Juifs, de Juifs qui se tenaient pour Juifs et de Juifs qui ne se tenaient pas pour Juifs, de Juifs communistes et de Juifs conservateurs, de Juifs sionistes, anti-sionistes et non-sionistes. Tous dans ce procès avaient senti qu'ils étaient juifs et que j'y avais été juif, pour moi, pour les juifs, pour les autres. Cette solidarité purement juive me bouleversa. J'en eus un instant un accès de mysticisme judaïque. J'étais un criminel, un voleur, mais accusé faussement de meurtre, condamné injustement. J'avais un moment représenté les juifs face à la justice des goyes. À cette époque, il n'y a pas d'appel en cour d'assises. Le seul espoir, c'est la cour de cassation, et seulement pour vice de forme, pas sur le fond du dossier. Mais tous les soutiens de Pierre Goldman vont se mobiliser pour qu'il soit rejugé. Une pétition est lancée. Parmi les signataires, On retrouve Pierre Mendès France, Joseph Kessel, Jeune Ionesco, Régis Debray, Yves Montand, Simone Signoret, Chris Marker, François Sagan et de nombreuses autres personnalités du monde intellectuel, politique, artistique. Le chanteur Maxime Le Forestier, de son côté, lui consacre une chanson intitulée « La vie d'un homme ». À ceux qui sont dans la moyenne, à ceux qui n'ont jamais volé, à ceux de confession chrétienne, à ceux d'opinion modérée, à ceux qui savent bien se plaindre, à ceux qui ont peur du bâton, à tous ceux n'ont rien à craindre. Je dis que Pierre est en prison. Dormez en paix, monsieur le juge, lorsque vous rentrez du travail, après le boulot de déluge. Tant pis pour les petits détails. Aujourd'hui, cette affaire est close. Une autre attend votre réveil. La vie d'un homme, peu de choses à côté de votre sommeil. Soyez content. Juré notable, vous avez vengé proprement la vie tristement respectable que vous meniez depuis longtemps. Qu'on vous soit différent suppose par obligation qu'on ait tort. La vie d'un homme et peu de choses à côté de votre confort. Soyez satisfait, commissaire, vous n'avez pas été trop long à mettre un nom sur cette affaire. Tant pis si ce n'est pas le bon. Tant pis si chez vous on dispose de moyens pas toujours très clairs. La vie d'un homme est peu de choses à côté d'un rapport à faire. Rassurez-vous, témoin du drame, qui n'étiez pas toujours d'accord, puisqu'aujourd'hui on le condamne, c'est donc que vous n'aviez pas tort. Vous êtes pour la bonne cause, vous avez fait votre devoir, la vie d'un homme et peu de choses à côté de votre mémoire. Tu n'aimes pas la pitié, Pierre, aussi je ne te plaindrai pas. Accepte juste ma colère, j'ai honte pour ce peuple-là. Je crie à ceux qui se reposent, à ceux qui bientôt t'oublieront. La vie d'un homme est peu de choses, et Pierre la passe en prison. « 20 novembre 1975, rebondissement dans l'affaire Pierre Goldman. La Cour de cassation casse le verdict de la Cour d'assises de Paris. Le procès-verbal des débats n'avait pas été daté. Habituellement, la Cour ne retient pas ce genre de motif. Mais là, oui. Il faut dire que l'accusé bénéficie de soutien de taille. Parmi eux, François Giroux, secrétaire d'État, qui plaide la cause auprès du président Giscard d'Estaing. Ce dernier aurait déclaré en privé « Si Goldman est innocent, il doit être rejugé ». Cette décision de justice intervient un mois après la publication du récit autobiographique de Pierre Goldman, souvenir obscur d'un juif polonais né en France, dont vous avez entendu plusieurs extraits au cours de ce récit. Cet ouvrage, d'une grande qualité littéraire, est un vrai succès de librairie. Plus de 60 000 exemplaires sont vendus. Et, dans ce livre, décidément bien ficelé, Goldman décortique son dossier judiciaire et en pointe toutes les incohérences, toutes les imprécisions. Un plaidoyer très efficace. Au journal télévisé Antenne 2, le journaliste Paul Lefebvre explique les enjeux du nouveau procès qui s'ouvre à Amiens au mois de mai 76. Les jurés d'Amiens vont avoir à juger plusieurs procès. D'abord celui d'un dossier où les seuls éléments concrets sont donc des témoignages humains. Ensuite, celui d'un homme qui, coupable ou non, n'est de toute façon plus le même qu'en 1969. Le Goldman de 76 s'est mûri en prison, s'est transformé en un être qui ne se reconnaît plus dans ses actes passés. Ce qui n'efface pas d'ailleurs le souvenir des deux femmes abattues. Le procès aussi des témoins dont les souvenirs sont maintenant mélangés à ce qu'ils croient être leurs souvenirs. Le procès encore des jurés de Paris dont toute une opinion a hurlé qu'ils s'étaient trompés. Le procès enfin d'un appareil judiciaire qui a reconnu lui-même qu'il fallait recommencer. Le doute, la mémoire effacée, la bonne volonté et les autres, plus les passions, cela ne va pas être facile à Amiens cette semaine de rendre justice. Pendant ses 6 ans de détention, Pierre Goldman s'est conduit en détenu modèle et en a profité pour passer des diplômes de philosophie et d'espagnol. Ce n'est plus le même homme qui se présente devant la cour d'assises d'Amiens. Et ce second procès attire encore plus de journalistes que le premier. Dans la salle d'audience, on retrouve l'actrice Simone Signoret et de nombreuses personnalités. On est venu voir le mystérieux Pierre Goldman pour le soutenir. Côté avocat, l'accusé peut compter sur Émile Pollack, déjà présent au premier procès, et sur un autre ténor du barreau, Georges Kegeman. Le 4 mai, après plusieurs jours de procès, le verdict tombe. Et le président du tribunal, la voix sans aucune émotion, annonce « À la question concernant le meurtre des pharmaciennes, la réponse est non coupable. » Acclamation dans la salle. À la question, reconnaît-on à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes pour les trois hold-up ? La réponse est oui. Pierre Goldman écope d'une peine de 12 ans de prison. Alors on fait les calculs. Avec sa bonne conduite et les remises de peine, Pierre sera libre dans quelques mois. Tout le monde s'embrasse dans la salle. Et puis, là-bas au fond, un jeune homme fond en larmes. C'est Jean-Jacques Goldman. Simone Signoret, elle aussi est bouleversée. À sa sortie de prison, Pierre Goldman est aidé par ses amis qui l'embauchent au sein du quotidien Libération. Oui, il écrit notamment des articles sur la salsa, une critique de livre de Jacques Mérine, L'instinct de mort. Fasciné par l'ennemi public numéro 1, Pierre Goldman cherche plusieurs fois à le rencontrer. En vain, disons que l'intérêt n'est pas réciproque. En 77, son deuxième livre est publié. Le titre « L'ordinaire, mes aventures d'Archibald Rapoport ». Cette fois, il s'agit d'un roman mettant en scène un héros tueur de flics et de magistrats. Oh, le livre se vend assez mal et il gêne même certains amis de Pierre qui perçoivent cette publication comme une inutile provocation. Le héros du livre ressemble peut-être trop à son auteur. Le 20 septembre 1979, Pierre Goldman est assassiné. Quelques jours plus tard, plus de 15 000 personnes se rassemblent pour ses funérailles. L'assassinat de cet homme jeune à la vie turbulente a longtemps désespéré, devenu après 6 ans de prison un écrivain de talent, suffisait sans doute à toucher le cœur de la multitude de jeunes gens qui l'ont accompagné au cimetière du Père Lachaise. Mais ce défilé silencieux était aussi une manifestation. Ses amis ont voulu signifier à la fois la condamnation de la violence politique à laquelle ils attribuent la mort de Pierre Goldman et leur détermination à défendre les libertés. Les tracts étaient distribués, mais il n'y eut ni slogan, ni prise de parole. Tout au long du parcours, du quai de la Râpée au Père Lachaise, la foule n'a fait que grossir, mais toujours dans le même calme et la même dignité. Au cimetière, le cercueil a été déposé dans un caveau provisoire, la famille a pu s'isoler quelques instants au moment de l'inhumation, puis les portes ont été ouvertes à tous. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et André Glucksmann, parmi de nombreux autres intellectuels, se sont recueillis sur sa tombe. De nombreux Antillais aussi, puisque Pierre Goldman avait épousé une Antillaise dont il a eu, hier, un fils posthume. La mort de Pierre Goldman pose aujourd'hui encore question. Meurtre fasciste ou règlement de compte d'une autre nature? On ne le sait toujours pas. Le saura-t-on un jour? Une chose est certaine, Pierre Goldman a toujours su nouer des relations d'amitié dans différents cercles, un petit côté caméléon qui compartimentait tout. Donc, on ne peut pas parler de la vie de Pierre Goldman, car il menait plusieurs vies parallèles. Après sa libération, il était devenu à la fois journaliste, écrivain, fêtard, fou de salsa, mais aussi proche du banditisme. Alors, la vraie question est, quel Pierre Goldman a-t-on voulu éliminer ? D'aussi loin que je me souvienne, bribes d'enfance bout de scène, tes yeux, ton visage et ta main dans ma main, et nos pas sur le même chemin. Nous n'étions pas très bavards, un peu bizarres, un peu à part. J'aimais tes silences et tu aimais les miens. Muets, nous nous entendions bien. Tu étais un peu différent, et moi je n'étais pas comme eux, un peu méprisant pour tous leurs jeux d'enfants. Nous pleurions les yeux dans les yeux. J'ai reçu tes premiers poèmes, comme on berce de quelques mots. Nos rires étaient rires et nos peines étaient peines, chacun touchant l'autre en écho. Je t'ai joué mes premières notes, tu écoutais les yeux mi-clos. Simple et malhabile, un peu fonce, un peu saute. Je n'entendais que tes bravos en saluant devant le piano. D'aussi loin que je me souviens, brigue d'enfance de scène, visage, ta main dans ma main, et nos pas sur le même chemin, et nos pas sur le même chemin. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Pierre Goldman, notre invité Michael Prasant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre que je tiens entre ma main, qui s'appelle Pierre Goldman, le frère de l'ombre, publié au Seuil, et vous êtes le réalisateur du film documentaire L'assassinat de Pierre Goldman, produit par Cuivre Productions. Un livre, quand on fait une biographie, on entre dans la vie d'un personnage, et on est presque envahi dans sa propre vie, donc faut être passionné. Qu'est-ce qui vous a passionné dans l'itinéraire de Pierre Goldman, au point donc d'en écrire un livre et d'en faire même un doc après? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà un lien personnel et affectif, biographique, parce que moi je fais partie d'une génération où qui a voulu que les manifestations de 86 soient un peu la réplique de celles de 68, et à ce moment-là, le nom de Pierre Goldman, enrobé de d'héroïsme, enfin d'une certaine fascination, courait encore. Donc j'ai découvert le personnage à ce moment-là. Par ailleurs, j'ai ensuite lu son livre, Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, et dans lequel je me suis retrouvé au point où j'avais le sentiment qu'il me parlait à moi, puisque moi aussi je suis un juif polonais né en France. Une génération nous sépare, mais il y avait beaucoup de liens. Et lorsque j'ai entamé cette enquête, et puis ensuite la rédaction du livre et la réalisation du film documentaire, je sortais d'un travail sur l'armée rouge japonaise. J'étais fasciné par les années 70, et je m'étais posé la question de savoir, est-ce qu'il existait en France l'équivalent d'un groupe aussi radical? Il y avait certes Action Directe, mais qui était plus tardif et qui m'intéressait pas beaucoup. Et il y avait cette figure dont Roland Castro, que j'avais rencontré à cette occasion, m'avait dit, il était une organisation à lui tout seul. Et voilà, c'est ces éléments-là qui ont fait que je suis parti dans le compagnonnage de ce personnage. Alors c'est intéressant parce que il y a la facette politique de Pierre Goldman, les idées d'extrême gauche, mais il y a quand même une certaine dérive dans le gangstérisme aussi, ce qu'on a retrouvé avec Action Directe d'ailleurs, et avec certains groupuscules terroristes d'extrême gauche à travers l'Europe. Goldman, il représente cette mouvance des années 70 aussi par ce côté-là? Oui et non, c'est-à-dire que Pierre Goldman en fait est toujours un peu à côté. Alors c'est vrai que dans La Génération, on a voulu y voir ça, c'est-à-dire qu'on a voulu y voir. Il faut bien comprendre, c'est difficile à comprendre aujourd'hui, que à l'époque, dans les années 70, le gangstérisme est une forme de militantisme politique. Mais oui. Dans le regard de certains. Déjà, on fait des enlèvements, on fait des braquages pour financer des actions politiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une forme de marginalité, une forme de transgression de la société bourgeoise qui est interprétée en tout cas comme telle chez un certain nombre de ce qu'on va appeler des gauchistes. Mais je crois que pour Pierre Goldman, c'est différent. Pierre Goldman, depuis toujours, est fasciné en fait par deux figures. Marcel Reimann, vous savez, ce résistant juif de la MOI, l'affiche rouge, fusillé sur le Mont Valérien, et qui représente pour lui la pureté originelle, idéale, la figure du résistant juif auquel il voudrait ressembler, d'ailleurs à l'instar de ses parents d'une certaine manière, et Meyer Lansky. Meyer Lansky, qui est l'associé de Capone sur la côte Est, qui est l'inventeur, si vous voulez, avant la révolution cubaine, du gangstérisme à Cuba, fait de casinos, de prostituées, etc. Donc il est, depuis toujours, il est fasciné par ça et par les armes, et il a depuis très tôt, finalement, la vocation ou l'envie d'être connu comme un intellectuel, mais aussi comme un gangster. Et ça, je crois que ça échappe un peu aux, disons, aux qualifications de l'époque, et c'est quelque chose qui lui correspond d'un point de vue très personnel. C'est un intellectuel, d'ailleurs, il suffit de lire son livre, qui est très bien écrit, hein, c'est de la belle littérature, c'est donc pas complètement apolitique, il l'est, ce que vous nous avez dit, qu'il est devenu, on ne devient jamais que ce que l'on est, finalement. Mais dans les références, vous avez parlé des parents, hop, comme ça. Moi j'avais l'impression que le parcours de résistant de ses parents, c'était la matrice et le modèle. C'est absolument la matrice et le modèle. Et d'ailleurs, dans cette matrice-là, il y a, comment dire, des poupées russes. Il y a aussi l'influence du communisme. Mais là encore, même s'il restera au fond toute sa vie attaché à cette culture et à cet héritage communiste, il y a aussi une part de lui qui admire De Gaulle. Donc il est toujours un peu à côté, un peu ailleurs. Et au fond, sa tendance idéologique est très très difficile à cerner. Il ne se retrouve pas dans les Mao, il se retrouve pas vraiment dans les trotskistes non plus. Mais 68, il prend ça de haut, carrément. Mais 68, il n'a que mépris pour ce mouvement en réalité, qui est un mouvement pour lui petit bourgeois, où on se déguise en réalité, en quelque sorte. Lui, disons, les cris ou les mots d'ordre CRS-SS, il a cette phrase d'ailleurs dans son livre, les CRS n'étaient pas des SS et les étudiants n'étaient pas des résistants. Lui, il a vraiment un désir de lutte armée, il a un désir de grand chambardement, de révolution. Il aimerait bien qu'il y ait un soulèvement armé, que la France soit à feu et à sang, qu'il se passe quelque chose. Et il a le sentiment du tout de se retrouver en aucun cas dans le mouvement de mai 68. Et d'ailleurs, les discours qu'il tient à ce moment-là fait extrêmement peur à ses anciens camarades de l'UEC qui, eux, ont plongé dans le grand mouvement sociétal qu'est mai 68 à corps perdu. Alors, il y a cette vie de marginal, faut bien vivre, alors on vole quand on n'arrive pas à vivre d'un boulot normal. Et puis il y a, là ça tourne mal avec l'affaire de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir. Donc il y a les trois braquages reconnus pour lesquels Goldman est condamné, la première pharmacie, le magasin de vêtements, je rappelle les faits pour qu'on ne s'y perde pas, et le payeur des allocations familiales, mais l'affaire Goldman c'est donc avec le braquage de la pharmacie. On va écouter un extrait de votre documentaire, L'assassinat de Pierre Goldman. C'est l'un de ses amis qui s'exprime, Joël Lautric. Il était l'un des témoins clés des deux procès, car c'est lui qui a confirmé l'alibi de Pierre Goldman. Et devant votre caméra, il fait une révélation. Joël Lautric m'apprend que Pierre Goldman était bien chez lui le soir du meurtre des pharmaciennes. Non pas à 20h, l'heure du braquage, mais 2 heures plus tôt. Ce qui laisse entendre que son alibi ne tient plus. Au deuxième procès, s'il m'avait dit « Est-ce qu'à 8h, il était chez vous ?» Je n'aurais pas pu dire oui. Vous prenez les déclarations, les témoins. Il y a qui disait que c'était un petit noir, rond, avec une casquette et un imper. L'autre qui disait que c'était un Pierre. Vous voulez dire que le petit noir rond avec une casquette... Qui partait dans un sens, c'était ça l'incohérence du truc, des témoignages. Il y a un qui est parti par là, bon ça tient pas debout, c'est le même. Mais s'il y en a deux, c'est ça, si un est parti par là et l'autre par là, même si c'est pas Goldman qui a fait ce truc-là, puisque il a été acquitté, Roland C., qu'il a fait. Ils étaient là. Roland était là ce soir-là, il est parti. Il y a une description de lui, la même description qu'il y a dans le passage ramé. Et pour moi, c'est Roland qui l'a fait arrêter. C'est lui qui l'a balancé. Mais oui. C'est qui lui? Sans donner son nom, évidemment. Alors, vous savez, Pierre Goldman est une figure qui a beaucoup fasciné son entourage, son côté impénétrable, insondable certainement, son côté bravache, son mode de vie très marginal. Et tous les gens que j'ai rencontrés qui étaient proches de lui prétendent que c'était leur meilleur ami, mais en réalité non. En réalité, ses meilleurs amis, c'était les Guadeloupéens, c'était Albert Doncal, c'était Joël Lautric, c'était Roland et son frère. Et ça, vraiment, il y avait un attachement viscéral, charnel à ce milieu-là. Et c'est là vraiment que Pierre, à mon avis, était vraiment lui-même. Et les anciens de l'UEC, les différents groupes qui se revendiquent de son amitié, en réalité, ignoraient cette deuxième vie, si on peut dire, de Pierre Goldman et cette identification très forte avec le monde caribéen et avec l'histoire des Noirs et de l'esclavage des Caraïbes. Donc c'est dans ce milieu-là qu'il a noué cette amitié très forte avec le fameux Roland, avec lequel d'ailleurs, et son petit frère, il a fait tous les braquages qu'il a fini par admettre, parce qu'il ne les admet pas immédiatement lorsqu'il passe en garde à vue, d'abord devant Leclerc et puis ensuite devant Jobard. Et bon, poussé dans ses retranchements, il va reconnaître ces trois braquages qui, il faut bien le reconnaître, sont quand même pas très glorieux. Attaquer des pharmacies, attaquer un payeur d'allocation familiale pour quelques francs. En réalité, il avait même des projets, m'avait dit Joël Lautric, d'attaquer une boucherie vers la Bastille. Donc, c'est pas non plus du grand banditisme, vous voyez, c'est quand même des petits braquages. Et c'est sûr que cette amitié très fraternelle, enfin presque totale avec Roland, a fait qu'il l'a embarqué dans ces quelques braquages. Parce que il y a un scénario qui n'a jamais vraiment été envisagé par la police, c'est la possibilité que le braquage de la pharmacie ait été perpétré par plusieurs personnes. Hein. Oui, alors ça, effectivement. Ah oui. On a toujours dit le braqueur. Lorsqu'on a cette hypothèse en tête, c'est vrai qu'un certain nombre de témoignages s'éclairent, puisqu'il y a des témoins qui l'ont vu partir à droite vers la Bastille, d'autres à gauche vers la République. Donc, alors très habilement, ensuite, Georges Kegeman a joué de ces contradictions, et c'était de bonne guerre, et il avait bien sûr raison de le faire. Et puis, même dans la description des témoins, certains disent, oui, il a un type méditerranéen, il a un nez très long, et d'autres disent, c'est un mulâtre, trapu, avec une tête ronde, une casquette. En réalité, il n'y a pas tellement de correspondance entre ces deux descriptions-là, et tout laisse présager que la possibilité qu'il y ait eu deux hommes, et l'un qui serait resté à l'extérieur de la pharmacie pendant que l'autre braquait la pharmacie à l'intérieur, éclaire un certain nombre de témoignages et rend possible cette hypothèse. Alors, les deux procès, donc premier procès en assises, cassé par la Cour de cassation pour vice de forme, pour le coup, lors de son premier procès, où il est condamné à perpétuité, Pierre Goldman se défend peu et mal. Il dit notamment « Je suis innocent parce que je suis innocent ». Comment vous traduisez cette phrase, vous? C'est une vraie question. Et à vrai dire, chacun a son interprétation. Quand je l'ai prononcé pendant le récit, je me suis dit, qu'est-ce que je dis là? Mais tout de même, quand même, dans l'une de vos remarques, je me permets d'y revenir. Non, il ne s'est pas mal défendu. Il ne s'est pas défendu et son rôle n'était pas de se défendre. Je crois que ce rôle incombait à ses avocats. Oui, et il y en avait trop. Ah, il y en avait trop. Ils se tiraient finalement dans les pieds les uns les autres et ils n'ont pas pu structurer une défense très claire. Et au fond, c'était pas à Goldman de dire ou de prouver son innocence, c'était à ses défenseurs de le faire, et je crois que à ce moment-là, il y a eu des remous, des problèmes d'organisation qui font qu'ils n'ont pas été défendus comme il l'aurait dû. Après, sa phrase « Je suis innocent parce que je suis innocent », on peut l'interpréter de différentes manières, et on pourrait presque même, en poussant le bouchon, l'interpréter comme une forme d'aveu déguisé d'une certaine manière. Ça pourrait vouloir dire je ne suis pas un criminel par nature, je ne peux pas être un assassin. Quoi qu'il se soit passé, ces actes ne sont pas moi. Moi, je suis quelqu'un d'innocent. Et c'est ça, je crois, au fond, ce qu'il veut dire. C'est une forme, et il le redit dans son livre, d'innocence ontologique. C'est pas quelqu'un qui a une nature criminelle, c'est pas un criminel de sang, et ça n'est pas concevable pour lui. Et voilà, je crois que c'est ça l'interprétation. Alors, deuxième procès, ça se passe beaucoup mieux. Et il y a vraiment... Pour lui. Pour lui, oui. Des soutiens incroyables. Enfin, d'où viennent tous ces soutiens? Que veulent tous ces gens qui viennent le soutenir parmi les plus grandes stars de tous les milieux, et notamment des milieux intellectuels? Il y a différentes postures. Il y a déjà cette figure du bandit qu'affectionnent les intellectuels français, cette figure de marginal. Romanesque. Romanesque, auquel beaucoup d'intellectuels sont attachés. Et en plus, c'est pas n'importe quel criminel, c'est pas n'importe quel bandit. C'est un intellectuel qui a passé des diplômes de philosophie en prison, qui a écrit un très beau livre, qui est d'une certaine manière le régal dans le monde des lettres, mais qui est allé plus loin dans sa vie personnelle qu'il ne pourrait jamais aller. Donc il y a ça. Et puis il y a ensuite la génération, ce que Patrick Rodman a appelé la génération, bien sûr, qui avait très envie d'avoir son affaire Dreyfus. Et donc en plus on est dans un monde qui est encore pas très éloigné de la guerre, où il y a les résistants et les fascistes. Enfin tout ce monde-là vit dans la société française de l'époque. Et alors avoir ce fils de héros juif qui a échappé à l'extermination, de héros résistant, qui est mal embarqué dans la vie, qui est un écorché vif. Et qui serait innocent du crime dont on l'accuse, ça c'est quelque chose évidemment qui soulève dans la génération et même de gens qui l'ont pas connu du tout, à la fois une espèce de d'identification et qui leur renvoie à leur propre héroïsme d'une certaine manière, parce que si nous soutenons un innocent, eh bien nous sommes nécessairement du bon côté de l'histoire. Donc il y a tous ces calculs, si vous voulez, très historiens d'une certaine manière, très liés à l'époque, qui vont s'agréger sur l'affaire Goldman. Et qui vont produire au procès d'Amiens des soutiens considérables qui ratissent très large, effectivement, du monde intellectuel au monde politique, en passant par des journalistes de très grand standing de l'époque. Donc oui, il y a un soutien d'une partie de la société française. Et c'est vrai que dans sa somme sur ces années-là, Rothman, Génération, tome 1 et tome 2, consacre une large place, un large espace à l'histoire de Pierre Goldman. C'est pas hasard, ça, également. Dites-moi, est-ce qu'il y a chez Pierre Goldman la dimension narcissique importante? Ah oui, je pense, oui. Je crois que même qu'elle est fondamentale, en fait. Elle est à la racine de tous ses engagements, de toutes ses actions, et surtout de la vie qu'il s'est rêvé. Au fond, il voulait que sa vie soit un roman, et d'ailleurs, en réalité, bon, certes, il a une admiration très forte pour Sartre, mais c'est quelqu'un qui aime la littérature française. Il adore Baudelaire, et d'ailleurs, il raconte finalement son voyage raté, le premier voyage dans Scargo en Amérique latine, que vous avez raconté tout à l'heure, qui finit d'ailleurs dans les geôles américaines, c'est un peu le voyage des Mascareignes de Baudelaire qui n'arrivera jamais aux Mascareignes. Donc il y a cette identification-là avec la littérature, avec la philosophie. Il veut être tout ça à la fois. Et je crois qu'effectivement, c'est ce narcissisme, cette ambition démesurée qui ne correspond pas du tout aux phrases que vous avez lues de lui, où il déclare vouloir rater sa vie. Certes, il veut rater sa vie, mais par une sorte comme ça de forfanterie magnifique, si vous voulez, parce que la réussite des autres, la réussite petite bourgeoise le dégoûte profondément. Donc il veut avoir un destin fondamentalement unique. Donc Cuba, c'est le ratage fondamental. Est-ce que, imaginons, on va faire une chronie, que ça s'en va bien passer à Cuba. Voilà, il aurait connu le grand soir, le vrai grand soir. L'histoire aurait été peut-être différente. Non, ça comptait beaucoup, ce ratage cubain. C'est difficile à dire. Oui, il y a ce très beau titre de Régis Debray qui, en fait, parle très peu, en réalité, dans ce livre de Pierre Goldman, mais qui lui est en tout cas dédié et consacré, qui s'appelle « Les rendez-vous manqués ». C'est ça, Goldman. C'est une histoire de rendez-vous manqués. Il arrive trop tard au Venezuela. Bah, il y a déjà la démocratie et il y a plus les fascistes contre qui se battre. Et donc effectivement, ils ne font que errer dans les montagnes sous une chaleur de plomb et il le vit très mal. Et ça finit par ce braquage à Puerto La Cruz, qui est quand même le braquage le plus rémunérateur de l'année 69 dans le monde. Oui, on l'a dit. Donc c'est pas rien. Et après, il vit la clandestinité à Caracas et ça lui plaît beaucoup. Il devient une sorte d'estafette parce que ceux qui ont vraiment fait le braquage, qui sont recherchés. Il y a les des portraits publiés dans les journaux doivent se cacher, ne peuvent pas sortir. Donc il va devenir comme ça une espèce d'agent de ces groupes qui sont encore autonomes, encore clandestins. Et la clandestinité va lui plaire beaucoup, il va y prendre goût. Et au fond, quand il rentre en France, il est déprimé parce qu'il a vécu à la fois des choses décevantes au Venezuela, mais aussi une adrénaline et un contexte qu'il veut reproduire d'une certaine manière à Paris. Voilà, c'est Pierre Goldman, le frère de l'ombre, le titre du livre, la biographie que vous avez écrite de Pierre Goldman, Michael Prasant. Merci infiniment pour tous vos éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Pierre Goldman, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Ludovic Asselot était à la technique aujourd'hui, je l'en remercie.